Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 18 au 24 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Malheureusement, Maxime Tanguay n'est pas avec nous aujourd'hui, mais bon. Oh! Ça va, Steph? Ça va bien, toi, Mathieu? Très bien, je suis toujours content que le jeudi arrive, ou vendredi ou lundi, dépendant. Mais là, un peu. Pour faire les palmarès, c'est fou, le top 40 de la semaine. Hey, wow! C'est merveilleux, tout ça. Et la semaine passée, mon numéro 1 était du côté anglophone, Bears of Legend avec Let Me Be. Et du côté francophone, c'était Olinéa avec Ta plus belle extorsion. Là, je suis en train de compter le nombre de nouvelles entrées qu'on a de chaque côté. Je pense que c'est 10. Oui, exactement. Le quart de notre palmarès. C'est exactement le nombre de doigts que j'ai, Mathieu. Aïe, aïe! Imagine si t'avais manqué de doigts ou t'en avais eu trop, ça aurait tombé à plat complètement. Ça aurait été laid si j'avais eu un différent nombre de doigts. Là, c'est parce que t'es en train de te mettre à dos une portion de notre auditoire. Oups! Les gens avec des membres différents. Ben okay? Non! Non, dit-elle en poussant ses mains. Pousse l'ananas et moule le café! Agadou! Agadou! Doudou. Ce n'est pas une des chansons qui pénètre dans le palmarès cette semaine. Par Espérons-le. Contre, du côté anglophone, on a 5 nouvelles entrées. Hill Jones, The Sons, Astro, Thomas Darcy et David Bowie. Et du côté francophone, on a Tremblay, Forêt, Rouge Pompier, Saran Rap et Ponctuation. Ben justement, c'est avec ça qu'on va commencer. Le temps de vous dire, par contre, que plus tard dans l'émission, on aura la chronique Brancher le monde avec David Ferron qui nous présente encore une fois des artistes français qui chantent en anglais. Oh, intéressant. C'est le principe. Ça va être bon, j'imagine, hein? Ben, c'est toujours bon. Toujours bon. On va aussi avoir les instants classiques d'Assemblage requis, édition Super Size. Ouh! Un bon 8 minutes, bien compté, de meilleurs moments de cette semaine. 8 minutes? Mais vous étiez en feu cette semaine, Assemblage requis? On dirait bien avec toi aussi, parce que t'étais là ce matin pour, ben, jeudi. Le plus récent jeudi, pour co-animer l'émission avec moi. Ah oui, je vais être là-dedans, moi. T'es là-dedans pas mal à part de ça. On commence avec les 20e places en anglophone. David Bowie et The Stars Are Out Tonight sur l'album The Next Day. Mais tout juste avant, on va entendre Ponctuation avec À bout de souffle. Point. Et deux points, la voici. Paf! Deux points. Paf! Paf! Du calme. T'es soufflé, là. We'll be right back. that we toss and turn at night. They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight. Sexless and unaroused, they are the stars that dine for you, but I hope they live forever. David Bowie et The Stars Are Out Tonight sur l'album The Next Day en 20e place anglophone. Et vous savez, notre ami David Bowie, là, il va pouvoir dire maintenant, non seulement je suis numéro 2 du palmarès Billboard en toute Bon Jovi, mais en plus, je suis numéro 20 du palmarès de C'est Fou. Fait que, c'est pas rien, ça, là. C'est pas rien, honnêtement. Moi, être dans le palmarès, c'est fou. Ce serait franchement un de mes rêves. Ben, pour vrai. Mais ça arrivera jamais. Non, parce que t'as une voix de... Cressel! C'est méchant, ça. C'est un oiseau, ça, ou le truc qui fait que je fais que je fais que je... Lequel qui est moins pire? Les deux sont probablement très affreux. C'est à peu près ça. Ah, oh, imagine un mélange des deux. Mais juste avant, du côté francophone, on a entendu Ponctuation avec À bout de souffle, que j'ai franchement adoré. C'est vraiment très, très bon. J'imagine vraiment David Ferron, qu'on va recevoir tantôt. Avec, tu sais, dans sa chronique Brancher le monde, il est en train de faire des comparaisons de Blender. Là. Il dit, c'est comme, prenez une crécelle, tu sais, l'oiseau, puis prenez une crécelle, tu sais, le jouet, mettez ça dans un Blender, puis ça donne Stéphanie Paradis. Ouais! J'imagine dire ça. Ça fait un savoureux smoothie aux bananes. Étant donné que je mange sans cesse des bananes, c'est clair que ça va goûter ça. C'est un smoothie rugueux. Rugueux? Rugueux. Pourquoi rugueux? Parce que smooth, ça veut dire doux, t'sais. Rugueux, ça veut dire que c'est mauvais, ça passe pas dans l'oreille, tu comprends ça? OK. Laisse faire. J'ai pas envie d'être rugueuse, on dirait. Non, on dirait que non. Velu. Du côté de 19e place en anglophone, ce sera Thomas Darcy et I Wake Up Every Day. D'ailleurs, si vous aimez tout à l'heure Thomas Darcy, restez à l'écoute parce qu'on va avoir des CD. En fait, un vinyle. Oh. One vinyl à vous faire tirer. To tire. Oui. Mais faites attention. Si vous êtes dans le chemin, vous pouvez l'avoir dans le front. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va aller entendre Saran Rap avec abstinité. J'étais pas certaine. Je pense que t'as trouvé la définition de ce que ça voulait dire, abstinité. Oui, abstinité, c'est comme absinthe et obscénité ensemble. Dans un blender. C'est comme tu prendrais la boisson... L'absinthe dans un blender. Mélangé avec quelque chose de vulgaire, comme de l'obscénité. Mais ça dans le blender. Ça fait Saran Rap. Ça t'a pas l'air assez fou au 89FM. Please. 19. Nouvelle entrée. Je suis surpris, je suis subjugué par Thomas Darcy et la pièce I Wake Up Every Day sur l'album What We Want en position numéro 19 anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Saran Rap avec Abscénité. Mm-hmm. Et ça aussi, ça nous a surpris pour vrai. Oui, c'est vraiment pas dans le même genre que la précédente pièce qui était sur le palmarès et ça de Saran Rap. Vraiment pas. Ça sonnait vraiment pas pareil et dans le bon sens, genre que si j'avais commencé par cette pièce-là, j'aurais peut-être plus aimé l'autre. Oui, probablement, parce qu'on n'aurait pas eu la même image de Saran Rap. Mm. Là, on a plus une image un peu country. Country sale, un peu. Là. Ouais, de fond de bois. De pas sûr, avec sûr. Avec Chainsaw. Exactement. c'est ça, tantôt, on va entendre en position 18, Rouge Pompier et East Road avec deux nouvelles entrées. Mais avant ça, vous venez d'entendre Thomas Darcy il y a quelques secondes et on a entre nos mains, ici, tu vois. Attention pour pas le briser. Oh, j'y fais attention, je porte des gants. On a un vinyle de Thomas Darcy et l'album What We Want à vous donner, à vous, chers auditeurs, amis, collègues. Donc, vous pouvez, pas collègue parce que vous n'avez pas le droit de gagner si vous travaillez ici. Mais donc, appelez le 819-376-5183. Le 819-376-5183. Et on prend le... 44e. 44. Non, OK. 44 appels. Go! Non. On prend le 4e, c'est bien le fun comme chiffre. Donc, 819-376-5183. Pendant qu'on écoute les positions, numéro 18 du côté anglophone, c'est un, je crois, troisième extrait de l'album de East Road, Oh Love. Et du côté francophone, on va entendre Rouge Pompier avec Château de Sable. On écoute ça tout de suite au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et on rappelle une dernière fois le numéro de téléphone. Qui est le 819-376-5183. Et c'est pour les auditeurs du jeudi. OK, j'ai un plan. C'est pas vrai, j'en ai deux. Je veux faire le premier. Puis pas me faire pogner par eux. Ça va être solide. Va y avoir tension. Tenter l'impossible avec tes bonnes intentions. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1 Numéro 18. Nouvelle entrée. Same sky. Wolves in my lungs and wings on my breath. Bubbling brooks of blood in my veins. Rust on my lips and pollen at my daisies. Your presence now is all I need. When winter comes by, don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly me south. Oh love, what will you do? What will you do? For all to rejoice, and December is once again on my course. Here I am, might be my choice, but music can replace our love. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth. myself, oh Lord, what will you do? Oh Lord, I'm still longing for you. Longing for stop thinking, I've been told not to go. It's heavy on my mind, you know. I've been told not to go. I can't be so far from home. You're my Une nouvelle pièce de East Roll. En fait, je crois que c'est le quatrième extrait. Je me corrige par rapport à tantôt. Je pense que j'avais dit trois. C'est le quatrième extrait de cet album excellent qui s'appelle East Roll, évidemment. Album. Pourquoi se compliquer la vie? Ben, c'est ça. On a déjà eu dans le temps A Long Way to Go, First Morning Light, October Road. Et là, c'est All Love, donc quatrième extrait. Et c'est la position numéro 18 du palmarès anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Rouge Pompier avec Château de Sable. Mm-hmm. On s'en va entendre tout de suite les 17e places. Hein. On avance le nombre de nouvelles entrées. On a 10 en tout, donc on a plus de la moitié de fait. Du côté anglophone, la 17e est Sons avec Holocene City. Et du côté francophone, on va entendre Forêt avec Corps maquillé. Ouh. J'ai bien hâte de savoir ce que c'est. On écoute ça au palmarès, c'est fou. Mm. Sur le 89.1 FM. Le temps s'essouffle et nous sépare l'enveloppe du cœur s'ouvre et touche avec les yeux et touche avec le foie, les âmes soufflent et donne silence. Au pied des arbres morts. Je sais. 17, nouvelle entrée. These days, they're hard and cold. They're making me believe in ideas. C'était Sons avec All I See in City, position numéro 17 sur l'album Images du futur. Oui, c'est par moment francophone, mais la pièce est du côté anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Forêt avec Corps maquillé. Ouh, Corps maquillé, hein? Ça fait Six Feet Under, pas mal. hein? Ah, OK. Moi, j'avais plus vu body painting, trash, dans le champ, en tout cas. Trash. Trash. Trash. Là, t'es en train de dire que ceux qui maquillent les corps sont, sont trash, là, puis c'est... c'est non. Ben, je sais pas. C'est quand même une drôle de vocation. Ben, mais personnellement... Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Je connais... Il y a une ancienne étudiante à l'UQTR, Laurie Hamel, qui fait ça. C'est cool comme métier. Ouais. C'est comme ta job, ta passion de maquiller du monde sur leur corps te fait gagner des prix. C'est cool. Et ce qui est cool, c'est que tu peux faire ça puis il n'y a personne qui chiale. Puis en plus, c'est sûrement une des seules à le faire. Fait que c'est tout le temps toi qui te fais engager pour faire ça. Et voilà. Donc, on est rendu aux dernières nouvelles positions de cette semaine. C'est du côté anglophone, la 16e, Illotrons avec Venus at Your Back Door. Bizarre de pochette avec un gars qui, je sais pas, certains diraient qu'il a l'air d'un pédophile, mais on va dire ça dépend des gens, là. C'est un gars avec des poils dans sa chemise, il fume une cigarette et des grosses lunettes. Bon. Ouais. C'est un peu toi, ça? La cigarette en moins. Et le chest, c'est vraiment pas aussi poilu que ça, là? Non? Non? Pas vu mon chest? Ben non, ça n'a pas donné. On laisse ça comme ça? On continue ouais. Même? Parfait. On va garder cette petite gêne. Donc, et le trans tout à l'heure en 16e anglophone. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre « ça va de Tremblay. Tu vois, il aurait dû dire ça il y a comme 10 secondes dans le malaise, ça aurait marché. Ben oui. On se time d'habitude, on est correct, madame. Ben, ils nous écoutent pas, là. Non. Les fonds sont pas interactifs, malheureusement. Il ne suit pas la game. Voilà. Donc, on y va tout de suite Tremblay. Ça va, au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Bon. Restez là. Je range mon chest. Il n'y en a jamais trop des regards croisés qui te font penser que ça pourrait marcher. Un chèque qui rentre sans que tu t'en attendes. Trois chiffres qui payent ton prochain loyer. Ça va, je suis content d'être là. Je suis content d'être là avec toi. Boston, Montréal, en série. Ça bouge, ça crie, la nuit, les taxis. Je vois la dernière saison fondre. Où est-ce qu'était passé tout le monde? Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. J'me tiens debout devant le bonheur. J'me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Même plus solide qu'avant. Que je regarde quand je marche. La vie, j'ai dans la face. Comme le vent du Maine qui sent la mer et qui t'emmène. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge collée off. Ce soir y'aura pas de la scole. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. J'me tiens debout devant le bonheur. J'me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Mais plus solide qu'avant. Numéro 16, nouvelle entrée. I know he's got the hooks. I know. Excellente pièce de Hillotrons, Venus at Your Back Door, position numéro 16, anglophone. Et du côté francophone, c'était Tremblay avec Ça va, ça va. Bon bloc, dernière nouvelle pièce de cette semaine, et vraiment, ça fait, c'est pas mal. Je dirais que mes préférés dans le groupe des 10 nouvelles entrées qu'on a eues, c'est certainement Hillotrons. Je dirais Thomas Darcy, j'ai été bien impressionné. La nouvelle pièce de Rouge Pompier est vraiment excellente aussi. Et Ponctuation. Oui. N'oubliez pas Ponctuation. Sans oublier. On a aimé le reste aussi, mais nos coups de cœur, mettons. C'est pas mal ça. Donc, on va sauter par-dessus plein de choses. Vous le savez, on se rend directement au top 10. Donc, on va faire les positions 15 à 11 en rafale. En anglophone, 15e, c'est The Vaccine, Teenage Icon. 14e, We Are Wolves avec As The Moon Sets. 13e, nouvelle entrée d'il y a 3 semaines, The Bicycles et Appalachian Mountain Station. 12e, Last Night's Dress de Modern Superstitions. Et finalement, 11e, c'est Minotaurs avec Open The Doors. Et du côté francophone, en 15e, c'est Karim Ouellet avec Fox. En 14e, Violette P avec Les Fleurs de Londres. En 13e, Les Sœurs Boulay avec Par le Chignon du Cou. En 12e, In France de Bio Bazar. Et en 11e place, Mon dos n'est pas une chaise avec pas de casque. Oh, okay, oui. Donc, 10e place en anglophone, Hunter Valentine. Et ça monte de 3 places une pièce d'album, Collide and Conquer, c'est Gates of Hell. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre l'excellente pièce Des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Et tout cassé, et tout laissé. numéro 10. Need a moment to myself now. Escaping from my manic state. My demons in a hold me. Talk me and control me. I hope that when you read this note, you know that I'm well aware that I'm not close to perfect. I know you don't deserve this. You only put out fantasy myself. Et la très, très, très, très, très bonne pièce Gates of Hell qui monte de 3 places en 10e anglo. Et du côté francophone, c'était Hôtel Morphée avec des histoires de fantômes. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tout à l'heure avec une deuxième heure remplie de musique dont, je te dirais, mettons, Tire le Coyote, Pierre Lapointe, Aline, Rara, This Is Us, Young Rival, et un paquet d'autres choses. Aussi les essais classiques d'Assemblage Requis. Oui, elle n'a pas manqué. Ben... Bon, on peut rire de nous-mêmes. Oui, parce que si on ne riait pas de nous-mêmes... Hein, ça serait dur sur l'ego. C'est ça. C'est ce que je trouve. En fait, mon ego n'égale pas mon ego. Égal, ego. C'est ça. Revenez donc nous voir. Hein? Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. F-O-U 89-1. Et c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 mars 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Encore une fois, Maxime Tanguay n'est pas avec nous aujourd'hui. Notre force s'affaiblit. Ben, graduellement, je suis content qu'on la perde complètement. Et qu'on va s'étendre et s'écouler sur... Pas s'écrouler, s'écouler. Comme du liquid paper sur le sol. Si seulement j'avais du liquid paper pour corriger mes nombreuses erreurs sur ma feuille, ça le fait. C'est tellement tout barbouillé, ta feuille. C'est n'importe quoi, je sais même pas comment je vais me retrouver, mais c'est pas grave. Moi, c'est tout clair, tout précis et... T'as bien raison, t'es tellement bonne, hein? Tellement bonne. Bravo, bien, Steph. Oui, merci, bravo. On m'applaudit. Non. OK. Ça a l'air loser un peu. Que je m'applaudisse tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc, on s'en va entendre tout de suite les positions numéro 9 du côté anglophone. Plus tard, il y aura Rara avec Prairie Girl qui monte de 3. Rara. Elle monte de 3 Rara. OK, OK. Ouais. Et tout juste avant, du côté francophone, on va entendre Pierre Lapointe et la sexualité. 89 FM, c'est fou. Ben, c'est ça qui joue, là.

from another friend inside. And I'm sure that you'll be fine for the rest of the night. Rara the Prairie avec Prairie Girl. Oui, c'est la position numéro 9, ça monte de 3 places du côté anglophone de Monsieur Mélenchon. Et du côté francophone, c'était La Sexualité de Pierre Lapointe. Non, c'était le band La Sexualité avec leur chanson, là, Pierre Lapointe. C'est comme Anne Dorval, puis ça tourne. Ouais, c'est ça. De Rouge Pompier. On sait plus qui est qui là-dedans. C'est mêlant. Tabarouette. Donc, oui, c'était les positions 9. On s'en va au 8e, et juste après les 8e, ce sera les meilleurs moments d'assemblage requis. Oh, oh! Yes, instant classique. On attend rien que ça. Donc, en 8e anglophone, This Is Is avec Blacksmith qui monte de 2. Mais tout juste avant, on va entendre Tire le Coyote avec Chainsaw. On l'utilise pas souvent, ce fond-là, puis il est bon, en tabarnouche, je trouve. On dirait qu'il lag. Ouais, mais dans le bon sens. OK. Je trouve. Ah, oh, oui. Ah, c'est les palmes à 89.1 FM. Mm-hmm. PDG de mon avenir. Pour mieux saisir ton noyau et ses fruits, j'habillerai ton cœur. ce que j'aime de cette pièce-là? Quand elle se termine? La fin, puis une petite partie dans le milieu, pas plus. Oui, il y a un petit bout, là. Ta-da-da-da-da. Mais autre que ça. This is Sis avec Blacksmith qui monte de deux places en 8e anglophone. Et tout juste avant, c'était Chainsaw de Tire le Coyote. Tout à l'heure, en 7e, il y aura Aline et Young Rival. Mais avant ça, Stéphanie, on retourne en arrière. Rewind! Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 18 mars 2013. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. T'as l'air latino en faisant Non, justement, pas Caliente du tout. Non, justement pas. C'est froid, froid Caliente. Yeah. Comme les Espagnols disent. Pas si bien fait semaine. Oui, j'étais au défi ski le camp. Ah, pour vrai? À Québec. Parce que je faisais pas assez froid dans ton appartement, il fallait que t'aies dehors. Ben oui, je me suis dit, on va aller dehors. J'ai mal partout. Oh. Mais j'étais bénévole. J'étais pas participant, j'étais bénévole. Okay. Et donc, t'es passé d'une bosse dans ton cou à une bosse de ski. De ski. elle va mieux, ta bosse? Hein? Ouais, elle est toujours présente. Oui. Elle fait partie de ma vie maintenant, je dois l'accepter. Oui, comme Rhythme FM ou non, Canal Vie fait partie de la vie. Mais est-ce que tu vas aller te faire... Ça semblerait que c'est un petit kiss. Mais il faudrait que... En tout cas, soit qu'on me l'arrache, soit qu'on me la ponctionne. Ah, quand même, c'est pas rempli de chocolat, c'est pas comme des Hershey's Kisses, ça, non. Faut se réchauffer les mains, on l'entend pas, mais... Quand on se frotte les mains, ça fait enlever la petite peau. Oh, oui. J'ai les mains douces maintenant. T'as une pellicule sur les cuisses. De peau. Merci, Alexandra Carignan. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À 8h30, pour vrai, cette fois-ci. Mm-hmm. La vraie heure, 8h30. Oui, la vraie heure. Pas de délai, la semaine prochaine. Non, moi, je vais être là. Oui. Bientôt, on va partir des expressions du genre « Ouais, à 8h30, ouais, ben là, l'heure de c'est fou. » C'est fou. Mais là, Jean-Philippe, c'est parce que là, ton téléphone, il n'a pas l'air en bon état. Là. Oh, non. Je sais pas, là, mais moi, tu fais pitié, je trouve, là. Bon, ouais. On prend des dons. On prend des dons. 1-800. Sauvez Jean-Philippe. Non, il y a une scratch sur son beau petit iPhone, là, tout cute, là. Ben oui, peut-être que... Ben, en tout cas, des fois, ça a l'air de partir, des fois, ça a l'air de venir. On verra bien. On sait pas, c'était dans ta tête, hein. Ouais, mais c'est ça, check, il y a absolument rien en ce moment. Non. Tu sais, c'est comme sur le côté pour ceux qui verraient pas mon iPhone à la maison. Ouais. T'es sûr que quelqu'un a pas changé ton fond d'écran pour un prix scratché comme il y a disponible sur... Mm-hmm. Aha! Je me lève, je mange des déjeuners en forme de carré. Une barre tendre. Non, carré, pas rectangle. Un Rice Krispies. C'est, oui, oui! Pour de vrai? Non. Ah. Mais pour le sketch, oui. OK. OK. Après ça, quoi d'autre? Je mets mes vêtements carrés. Tu mets tes vêtements carrés. Bon, un gilet. Un gilet, c'est à peu près carré. Un veston. Un veston. Je porte un veston, exactement. Après ça, je me lève, je m'envoie dans mon véhicule. Carré. Le cube. Le cube de Nissan. Oui, c'est ça. Et en revenant à la maison le soir, ben j'écoute une boîte qui est en forme aussi de carré. À image. À image. Et c'est Television. Cette fois-là, tu vois, j'étais pas sûr qu'on allait se rendre jusqu'à la fin. Ben là, j'ai compris où tu t'en allais. Le concept de la chose. Ouais, ouais, dès que t'as dit carré. Oh, là, oh, oui. Je l'ai retenu aujourd'hui. Yeah! Yeah! Alors, félicite-moi, merci. Ah! J'ai même pas eu besoin de toi. Ah, je suis fier de moi. Je sers à rien. Non, tu sers à tout, Jean-Philippe. Et je suis fier de toi. Bon, c'est pas parce que j'ai deux pancartes en arrière qu'il faut... Mathieu, n'oublie pas la chanson. Jean-Philippe est un homme sandwich. Littéralement, il a un 12 pouces saboué dans la bouche. Allez, les deux hirondelles. Assemblage requis, bien évidemment, hein, parce que nulle part ailleurs ferait-il des pit-pit-pit-pit-pit de même en radio. Ben, c'est parce qu'on a du plaisir, nous. Ah! Et pas du faux plaisir! Non! Comme ailleurs. C'est une pine, mais c'est vrai. Je scannerai pas. De toute façon, arrête avec tes questions, mon petit bâtard. Je le frappe en dessous de la tête. Je me rends pas, par exemple. J'ai des longues jambes. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? J'étais bien surpris qu'il n'y ait pas de neige. Moi aussi, j'ai ouvert le rideau. Je me suis dit, je vais devoir aller pelleter. Non! Alléluia! J'ai ouvert le rideau. Je me suis rendu compte que j'étais tout nu. J'ai fermé le rideau. Ah, si seulement. Donc là, je fais merde. Ce matin, je me réveille, mon cadran sonne. Et puis, je vois sur le côté que c'est noir. Tu sais, avec des lignes. Ouais, petites lignes. Tu sais, comme quand t'as pété ton écran, il ouais. y a quelque chose qui est rentré dedans. Puis là, je fais, voyons. Tu ouvrais des applications, puis il était pas vraiment oui, là. Oui, c'est ça. Je regardais les photos. J'étais comme, ben voyons, mais c'est genre juste sur mon. Ça dépend peut-être de la couleur qui est affichée ou peut-être ouais, de la lampe. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être un pixel, tu sais, une couleur qui marche plus. Ouais. Puis là, j'ouvre une photo, il est pas brisé, je retourne sur mon fond d'écran, tu sais, avec les menus, les applications. Puis là, il s'est encore pété. Ouais. Finalement, là, je viens de le passer à Mathieu, puis Mathieu, il fait, ben voyons, c'est la photo de chat là, qui est en arrière. Il y a un chat avec des poils de chat, mais le chat, il est comme ébouriffé, puis il y a un poil qui a l'air de vraiment être d'une scratch, mais le poil passe en dessous de la barre de menu transparente du iPhone. Exactement, puis c'est vraiment, en fait, c'est vraiment con, parce que ça doit faire un mois que j'ai cette photo-là en fond d'écran. C'est succulent comme anecdote. Ouais, puis là, j'ai vraiment, j'ai chaud un peu. C'est la formation ponctuation. Est-ce que ça dit quelque chose? Non, point d'interrogation. Ben justement, on va aller les entendre. Ah! voici la pièce à bout de souffle. Ouais, c'est ça, c'est fou ça. Ta blague était bonne. Ouais, t'es correct. Ma réaction était moins bonne. Ouais. T'es correct. T'es correct. Tout est correct, tu sais. C'est comme un point virgule. C'est correct. C'est correct. Tu peux le mettre. C'est pas nécessaire. Maintenant, ben, c'est le moment de s'acheter des choses, hein, parce que dans la vie, faut pas se retenir, là, parce que sinon, là où on sortit, il n'y a pas de plaisir. De toute façon, l'argent, ça pousse dans les arbres, qui disent. Exactement. En passant, là où on sortit, il n'y a pas de plaisir, ça pourrait aussi être la phrase qui va ouvrir tantôt qui est sexy-time. Mais pour l'instant, c'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On est toujours avec Stéphanie Paradis et la chronique du Zone Campus. Zone Campus. Et on t'est rendu en art et spectacle. Art et spectacle. Tu vas répéter tout ce que je veux dire? Oui. Faut s'amuser avec ce qu'on peut. Bon. Avant de faire Kinky Sexy Time, voici Olinéa et ta plus belle extorsion. Okay. On chante tout le long? Je connais pas les paroles. Moi non plus. Maintenant, c'est la chronique, ce slogan vous va comme un gant et on l'a fait rarement et on n'a pas de chanson thème pour. On a une chanson thème, mais c'est nous qui la chantons. Nous, tu veux dire tu? Ouais, est-ce que tu vas faire des back vocals, genre? Je sais pas. Mettons, si je te fais des claquements de doigts dans le micro. OK? Attention, sur le beat. On est, me fais les plus proches. Je peux te monter dans. OK? Parfait. OK, attends. Donne-moi un beat. Beat. OK? C'est quoi la mélodie, non? Je sais pas. Ce slogan vous va, ce slogan booba, ce slogan vous va comme un gant. On le refait. Faut le refaire de l'autre bas, c'est mieux si je le fais de l'autre bas. Claquement de doigts, s'il te plaît. OK? 1, 2, 3, 4. Ce slogan booba, ce slogan vous va, ce slogan vous va comme un gant. Parfait, on l'a. Yes! Demain et lundi, Steph, on coanime ensemble. OK, yes! Jean-Philippe va être à New York! Mais en fait, quand il m'a demandé de le remplacer, au début, il voulait que je le remplace dans son voyage à New York. Mais j'ai fait, non, essaye-toi pas. Moi, je vais à Assemblage Ricky. Tu vois, t'as des priorités à bonne place. Oui. L'adversaire de Alex Brisebois-Proux qu'on a reçu hier. Oui, c'est ça. Je cherchais donc contre qui allait se battre. Est-ce que c'est dans le jello, dans la boîte ou... Vinaigre de balsamique. Yark! Dans l'huile d'olive fraîchement pressée. Je sais pas. Gates of Hell, the Hunter Valentine! On parlait de ça tantôt, oui. Ah, tu l'aimes pas même mieux quoi. Attrapez-vous une petite copie du Zone Campus. Il y en a deux en studio, le fait que prenez-en, il y en a partout! Ça traîne partout. Ouais, peut-être qu'il faudrait faire le ménage. En après-midi, je serai de retour avec les palmarès des fous en compagnie de toi-même, Stéphanie Paradis. Mais oui, encore moi. Notre grosse journée together. Tabarouette, hey, le monde va être tanné de nous entendre, de dire nos niaiseries. Ben, c'est pas notre problème. Nous autres, on va y dire pareil. C'est ça. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 18 mars 2013. Super Size Edition en passant, hein? C'était un peu long. Pas long. Un peu pas dans l'ordre non plus, mais quand même. C'était bon, on a eu du plaisir. Jean-Philippe Charbonneau était là, t'as connu avec moi jeudi. Hey, plus on est de fous, plus on rit. Et comme ils disent, et tu vas réanimer avec moi le lundi 21 mars, c'est bien ça, 21? Non, pas, c'est aujourd'hui le 21. T'as bien raison. 25. C'est ça. Donc, tu réanimes avec moi le lundi 25 mars. J'ai subtilement compté à voix haute. Ben oui. Avec tes doigts, mais si on les voyait pas, c'est pas grave. Ça compte pas. Ben là, tu viens de le dire. Ben voilà. Donc, écoutez-nous, Assemblage Requis, du lundi au jeudi entre 7h et 9h, avec un paquet de chroniqueurs, un paquet de contenus intéressants, de choses cocasses et l'histoire qui était pas dans l'ordre, là, tu sais, avec le téléphone cellulaire, là, c'était vraiment drôle. Oui, ici. Jean-Philippe, là, on le retient. La photo de chat avec les petites moustaches qui avait l'air d'avoir craqué son écran. Wow, savoureux. Aïe, aïe, on dirait une blague, ça. Tu pourrais pas scripter mieux que ça, tu sais. Ben non. Non. Donc voilà pour Assemblage requis et pour un instant classique. On continue maintenant nos palmarès, c'est fou, avec les positions numéro 7. Du côté anglophone, ce sera Young Rival et Two Reasons qui montent d'une place. Et avant, du côté francophone, on va entendre deux hirondelles d'Aline. Pit pit, comme il disait dans les instants classiques tantôt. Il disait, il y a rien qui est assez fou qu'on ferait ça. Pit pit pit pit pit. Pit pit, cuit cuit et autres bruits d'oiseaux. Coucou, coucou, coucou. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ou du fromage squeak squeak. Ou une corneille. Ah! Comment, ah! Comment la corneille, excuse? Ah! Comment, excuse? Genre... Je suis... Aline, deux hirondelles. Faut pas me rester fou. Ah! Ah! Pas pire. She turned on the TV and Cuisine ce monde. Une place est en 7e position anglophone. Et du côté francophone, c'était deux hirondelles d'Aline. Aline! Non? Je parlerai plus. Mais je parlerai plus si tu fais ça. Non? OK, laisse faire. C'était drôle en ronde de se parler en même temps. Non, j'ai des couteaux dans les yeux, là. C'est ça. Non, mais c'est bon. Cette blague-là, 30 secondes, puis tu viens de m'atteindre plus profondément de mon cœur, et je te déteste. ce jeu-là m'énerve tellement. Donc voilà pour les positions numéro 7. Comme on disait, on est rendu au 6e. Du côté anglo, il y aura Tao and the Get Down, Stay Down avec City qui monte de 1. Mais justement, du côté francophone, on va entendre Les Détours de Chantal Archambault et ça monte de 9 places. Vrai, et restez là parce que tantôt, non seulement ça, c'est vrai, mais ce qu'il y a de vrai aussi, c'est David Ferron. David Ferron est un gars vrai. Non, moi, je crois que c'est un personnage, David Ferron. Dépendant. Hein? Gustave est Marie la Melon. Vraie personne. Marie Melon. Je te dis, mon Marie Melon. Mary Melon. Mary Melon. C'est sa sœur siamoise. Mais plus siamoise. C'est la sœur siamoise de Marie Melon qui, elle, est la sœur trisiamoise de... Oui, trisomique yamoise. C'est pas le récif. Ton fusil braqué à mes flancs, j'ai succombé à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois me dictant d'épouser. Hey, c'est bon ça, c'est bon, mais je pense que je sais que c'est plate de faire ça, puis j'ai vraiment pas tendance à faire ça très souvent, mais des fois on manque de temps, puis je peux pas me permettre de jouer la mauvaise pièce. Voici la vraie chanson, Les Détours, c'était Tombé frêle l'autre, là, ce sera le prochain extrait, t'sais. Rempli par la boue. numéro 6. Vous savez, c'est un de mes coups de cœur en ce moment. Je l'ai dit tout le temps. Power to Get Down, Stay Down et City en sixième place anglophone. Et en sixième place francophone, c'était Les Détours de Chantal Archambault, tiré de l'album Les Élans. Cette pièce-là est pas mal unanime. Tout le monde tripe bien raide. Comment ne pas aimer cette pièce? Facile à avoir en tête, hein? OK, oui. Donc, position numéro 5, du côté anglo, c'est The Damn Truth, Stable. Et la pièce s'appelle Kinda Awkward. Et du côté francophone, c'est Les Trois Accords avec Retour à l'Institut. Pas dit grand-chose ce coup-ci, là, retourne déjà en musique, regarde là. Ben là, mon Dieu. Joke, un petit punchline, comment? Ben attends un peu, je pourrais raconter que je te l'avais pas dit, là, non, mais j'ai un petit peu pilé sur ton lunch. Ah, ben là, mon dessert, ou mes 3-4 desserts de la journée. Fait que j'espère que t'avais rien de fragile. Non. Ben, attends un peu, que si j'avais une bâtonne, une autre bâtonne. Je pense une troisième bâtonne. Un brownie. Ouais, oh, ça. T'as-tu des Pop-Tarts? Oh, non, pas aujourd'hui. Ah, oh, c'était deux jours de suite que j'avais des Pop-Tarts pour dessert 1 de 3. Ouais, mais je t'aide à les manger. Je fais dur côté dessert, hein, ça aide pas ma ligne. Ah, ta mais... courbe, tu veux dire. Bon, ben, non. on disait donc les trois accords retour à l'Institut. Oui. Fait que, es-tu prête pour ça? Ou... Oui. On a eu notre punchline finalement. C'était pas une bonne punchline, mais quand même. C'est ça. Je m'en retourne à l'Institut, à l'Institut, à l'Institut. Je m'en retourne à l'Institut. Dans le sens de la ligne de rue, la ligne de rue, la ligne de rue. Je m'en retourne à l'Institut. Je ne suis pas plus numéro 5. The Damn Truth et stable en cinquième, Kinda Awkward en anglophone. Et tout, du côté francophone, c'était Retour à l'Institut des Trois Accords qui semble jouer au yo-yo. Tu vois comment je chiffre bien? Même en parlant? Ah ouais, il parle. Hop, ben, tu vois, là, c'est là que je parle. Fallait que j'arrête de siffler pour pouvoir parler. Ben oui. Logiquement. Ben oui. Bon. Alors voilà pour nos cinquièmes places. C'était bien bon tout ça. David Ferron, lui aussi, est très bien bon et il s'en revient bien cuit. Je dirais comme du bacon passe dans le micro-ondes avec des essuie-tout. Là. Oui, il faut que ce soit croustillant. C'est essuie-tout, bacon, essuie-tout, bacon, essuie-tout. Oui. Un sandwich de bacon. Oui, mais faut pas que tu oublies d'enlever l'essuie-tout. C'est ça. Là, on parle encore de David Ferron. Évidemment, faudrait pas oublier d'enlever son essuie-tout. Fait que bref, tu fais une sandwich de bacon. Donc, c'est bacon, David Ferron, bacon. Prends une bouchée là-dedans. Puis voilà. Ça tombe bien que ça arrête là. Hein? Position numéro 4 en anglophone, c'est Fiddler avec No Waves qui descend d'une place. Et du côté francophone, c'est la Ride du dimanche d'Atomic Baobab qui monte de 6 places. Bah, t'en siffles un autre bout, gars. Je me dandine. Vous êtes au palmarès, c'est fou sur le 89 FM. On a Position numéro 4, ça descend d'une place en anglophone. Et juste avant, en franco, c'était Atomic Baobab et la Rai du dimanche qui monte de 6 places et qui l'a depuis 6 semaines. C'était la deuxième heure des Palmarès C'est Fou. On se retrouve tantôt avec une troisième heure, n'est-ce pas, Stéphanie Paradis? Oui. Bon, je t'attends, pas pire. Tu vas être là? Oui. Oui, David Ferron va être là. Oui. Est-ce que tu t'es fait mal en t'assoyant? Non, non. C'est peut-être quelque chose. Non, mais je sais pas, je trouve ça bizarre, il y a une boîte de pop-tart. On va en parler avec David Ferron tantôt, il y a une boîte de pop-tart et un paquet de Doréo Double Stuff. On en parle tantôt à ça. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C. F. O. U. 89. 1. C'est la troisième et dernière heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 18 au 24 mars 2013. Stéphanie Paradis est son nom. Mathieu Plante est son nom. J'accuse Mathieu Plante, coupable. Avec ses oreos. Oui, mais David Ferron vient d'arriver en studio. D'ailleurs, il peut parler quand il veut. Son micro est allumé. Et tout. Ah ouais, déjà? C'est pas grave. Il parle même si son micro est pas ouvert. T'as pas besoin de le préciser. Faut pas dire trop fort, hein, David? Non, hein, c'est... Mais je parle quand même parce que c'est la liberté de presse. La liberté. La liberté! Oui. Je me sens comme un petit cochon en liberté. Ouais, mais c'est ça. T'as l'air à ça. T'as l'air à ça. Avec ta queue en tourbichon. En tourbichon? En tourbichon! Oh, c'est quoi ça, oh, un tourbichon? C'est ton peu mignon! Tourbichon, tourbillon et tire-bouchon. C'est un mélange. Oh, c'est ça! Un tourbichon. Donc, ça, David Ferron est un grand fan, autre qu'être chroniqueur à Assemblage Requis et au Palmarès C'est Fou en alternance aux deux semaines. En plus, il nous écoute quand il n'est pas là. Ben oui, il nous écoute pour vrai. Exemple pour prouver la chose. Ce matin, on a parlé dans notre chronique Tout le temps de quoi? Du fait que les Oreo double stuff n'étaient pas vraiment double stuff. Il est comme un et un quart stuff. Tu sais, ils sont comme double crème, supposément, mais c'est pas vraiment deux fois. Là. Bref, donc, il m'a amené un paquet d'Oreo pour moi. Et tantôt, moi, j'ai parlé que j'avais écrasé ton lunch. Et je me suis dit, non, j'espère que j'ai pas écrasé tes Pop-Tarts. Et il y a une boîte de Pop-Tarts qui s'est matérialisée devant moi. Magie! Il y a sûrement un truc, là. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est dans la tête de David Ferron que ça s'est passé, je pense, moi. Oui, magie, mystère, sorcellerie, brûlons-le. Ah, non. Brûlons-le au brûler mon frère et ma sœur siamoise avant. Ben, je pense qu'on va parler d'ailleurs à au moins ta sœur. Ben, David Ferron, à chaque semaine, il faut l'expliquer parce que personne ne comprend sinon. Mais David, à la naissance, c'était un triplé siamois. Oui. Tu sais, avec entre autres. Marie Melon. Marie Melon, qui a des bras très, très poilus. C'est Marie Melon de la pêche. Oui, et Gustave Lafenêtre avec sa moustache vaselinée. C'est ça. Qui est un Français aussi, parce qu'ils ont été, évidemment, là, il faut comprendre qu'ils ont été adoptés chacun par des familles différentes. Là. C'est pour ça la différence de nom de famille, parce que tout ça s'explique. Là. Ben oui, c'est ça. Il faut pas oublier que David Ferron, lui, sa pilosité, c'est sur les dents. Sur les dents, exactement. David a les dents poilues, Marie Melon, les bras et Gustave. Ben, ça protège contre les caries, c'est vraiment le fun. C'est juste c'est quand, par exemple, pogne genre des biscuits, c'est un peu moins le fun, c'est un peu moins hygiénique parce que... Mettons des Oreos double crème, tu pourrais facilement l'enlever. C'est plat, t'as tout le temps un poil sur la langue, là. Ouais. Mais c'est quoi de plus fatigant que ça? Fatigant. Mais c'est comme une brosse à dents, mais dans ta bouche. Fait que t'as juste à grincer tes dents les unes contre les autres, puis tu fais des poils. Moi, en fait, je peigne mes dents, je les brosse pas, je les peigne. OK, bon. Ah, wow, l'image est vraiment bizarre. Ouais. Ben oui. Mais bon, donc on va retourner en musique et après ça, Marie Melon va nous rendre visite. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y a une surprise qui s'en. Ah en fait, oh non, pas vrai. Avec ses petites mains. Ben, est-ce qu'on explique tout de suite le concept de ses mains? Vous connaissez les thalidomides? Thalidomides, c'est quand leur mère, la mère a un enfant pendant la naissance, ou ben, pendant la grossesse, mettons. Ils ont un enfant pendant la naissance. Bizarre un peu. Ils prenaient des pilules dans le temps, puis ça faisait que ça fait des enfants qui avaient les mains après les coudes ou après les épaules. Vous avez tous vu à un moment donné dans votre vie une personne qui avait les mains à la mauvaise place. Ça arrive. Oui. Non, à la mauvaise place, à une place alternative, mettons. Oui, tel Tchernobyl. C'était Tchernobyl. Donc, Marie Melon, ben, évidemment, sa mère en prenait, mais apparemment juste une fois sur trois. Donc, David et Gustave s'en sont sortis, même s'il leur manque chacun un côté parce qu'ils ont été séparés à la naissance, donc il manque des bouts quand même. Là. Mais Marie Melon, elle a eu les mains attachées après les seins. Donc, elle a des petites mains au bout des seins à la place des mamelons. Exactement, ça a poussé comme ça. Je me demande si elle a des petites tétines au bout de chaque doigt. Je sais pas, je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de te le montrer. Oh, super! Et elle peut allaiter une portée de petits chats au grand complet. Comment tu veux raconter cette histoire-là à chaque fois qu'on va en parler dans la... Parce qu'à chaque fois, on rajoute un facteur que c'est difficile de s'en rappeler. Mais non, mais on est bon, on se souvient de tout, là. Oui. Même moi, vous connaissez mieux ma sœur que moi. On t'avait pas dit encore, hein? Ouais, je suis troublé. Des petites mains, OK. Donc, on s'en va entendre les positions numéro 3 qu'on dédie à Marie Melon du côté anglophone. C'est Bears of Legend, Let Me Be, l'ancien numéro 1. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre Beatle ou T-Bird de Mauve. Comment qu'elle fait pour conduire son auto, tu penses, Marie Melon? Ben, ça se fait, les petites mains collées sur le volant. Je te fais confiance, moi. Ben oui. Je connais pas ça. C'est des palmarès, c'est fou. Au retour, brancher le monde avec David Ferron et Marie Melon. Oh, capot. Quand tu perds des derniers droits, que tu sois où? On my chest. Grâce à David, là, j'ai de la Pop-Tart plein les dents. On a mangé ça, évidemment, à l'extérieur du studio pendant la pause musicale. Ben oui. Et là, on a des Pop-Tart partout. Donc, on vient d'entendre Bears of Legend et Let Me Be, qui est la position numéro 3. C'est l'ancien numéro 1. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Beetle ou T-Bird de Mauve. Mm-hmm. Plus tard à l'émission, en numéro 2, il y aura Rouge Pompier et Elephant Stone. Mais avant ça, David Ferron a cédé sa place à sa sœur Tripette Siamoise, Marie Melon. Allô! Bonjour! Ça va, Marie Melon? Oui, vous deux! Très bien! Ça va, arracher le micro. Oui, avec ses petites mains de sein. Ah, c'est vrai, faut pas en parler, ça va l'offusquer, j'avoue. Il faut souligner les handicaps des gens. Quoi de neuf, Marie-Mélon? Eh bien, c'est juste pour te dire, j'étais avec David tout à l'heure quand il l'a parlé avec toi au téléphone. Oui? Tu as une voix très, très sensuelle au téléphone. Ah, juste au téléphone, pas à la radio, c'est ça? Non, à la radio, c'est vraiment de la merde. Ben, juste une voix belle normale. Moi aussi. Puis quand je te vois, ben, vous avez parlé de ton chest. De mon chest, oui, ça commence à faire longtemps, mais oui, on a parlé de mon chest avec du poil, parce qu'il y a une couverture de CD ici à Cifou en ce moment, les Halo Trons, que le gars, il a l'air d'une espèce de pédophile avec ses gros poils de poitrine et ses grosses... Ok, oui, t'as réussi à trouver le CD, parfait. Ouais. Si t'as besoin d'aide, tu me le dis. Hein. Ok. Ok, ouais. Donc, j'ai l'air de ça, moi. Mais oui, je trouve pas, vous avez les cheveux peignés de la même mais façon. Il est chaud, oui, mais oui, il y a peut-être moins de cheveux, mais il est quand plus même. Gros que moi tu aussi. Sais, les cheveux peignés comme un peu sur le côté, puis les lunettes, puis le poil. Puis si on veut. Vous êtes tous les deux sexy, mais Mathieu, j'ai faim. Oh, t'as faim? Ben, veux-tu des Pop-Tarts? Non, des Oreos aussi. Non, j'ai pas faim de ce. Genre, je pense qu'elle a faim de toi. Oh! Oh! Oui. Ben, c'est flatteur, ça. J'ai faim. Mais là, je suis un peu jalouse. La dernière fois, c'est moi qui ai Marie Melon massé. Ouais! Ah oui, c'est vrai, elle est aux deux. Ben, c'est ça. C'est vrai. On établit plein de faits ici au palmarès et à l'assemblage requis par rapport à David, Gustave et Marie Melon, les anciens strippés si à moi. C'est que Marie Melon est aussi bisexuelle. Oui. Ça, c'est ben beau, ben parfait. Puis David ne le savait même pas. David ne le savait pas. Et apparemment, David ne savait pas non plus qu'il y a de l'inceste en famille. En tout cas, moi, j'ai entendu des rumeurs que Marie Melon et Gustave avaient peut-être déjà fait des choses ensemble. Mais bon, ça, je veux dire, c'est des rumeurs. Ah, là. Ça, je ne savais pas. Tu savais pas ça non. Est-ce que tu peux pas confirmer ou nier ou. Ben non, parce que Gustave et moi, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vus. OK, mais là, 15 ans, c'était swing swing. Non plus. Non plus? Oui. Non, parce que je ne le connaissais pas. OK. C'est pour ça que tu es allé dans le domaine de la production de pornographie. Exactement, pour aider mon amie Anne-Marie. Et voilà, Anne-Marie Lozic, évidemment, ton mentor, ta menteuse. Oui, si ma menteuse. Ta menteuse. Elle m'a dit, je vais t'épouser, mais... Ah, pour vrai? Ça s'est allé jusque-là? Oui. OK, mais ça s'est terminé comment, tout ça? Pour parce que là, c'est malheureux. Je veux dire, vous feriez un très beau couple, là, main dans la main. Elle m'a... Si on veut. Oui. Anne-Marie, elle aurait toujours comme la main dans la brassière. Oui, exactement. Elle m'a trompé pour Vanessa. Vanessa. Ah. Oui, et j'en veux, mais depuis ce temps-là, j'ai rencontré Mathieu Plante. Ah, ben merci. Caroline, wow. Ça va aller loin, tout ça, je pense. Hein? Mais Ah oui? Ça pourrait aller loin. Je sais pas, moi, je veux dire, on s'apprivoise peu à peu. Là. Je veux pas aller directement au mariage, moi, c'est plus lentement que ça, quand même. Hein? Seigneur, wow! Oh, ça se fait aller. Là. Elle fait sur ses seins, d'accord? Avec ses petites mains de seins. Elle fait des cœurs. Ah, oh, c'est vraiment cute. Oh, avec ses doigts tétineux. Ses doigts tétineux. Mathieu? Oui? Venons aux choses directes. OK. Mathieu, tu sais que j'ai une petite affection pour toi. J'ai cru comprendre depuis les dernières minutes, oui. Et avant d'écouter la chanson, j'ai une déclaration à te faire parce que j'ai faim. OK, je t'écoute. Je me sens vraiment de trop. Tout le monde, mais ouais. Non. Tout le monde t'écoute. Ah! Ah! Ça peut... Dead and cast away. Her innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Sound of iron shocks stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the falls, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't find your eyes, your face. We'll be right back. Et c'est la chronique branchée le monde. David Ferron vient d'arriver. Il remplace sa sœur Marie Melon qu'on avait tantôt en studio. Oui, parce qu'elle a fait encore une fois une folle d'elle sur les ondes de la radio. Alors, trouve. Ben, je me sens rassurée, là. Je me sens plus en sécurité. Oui, avec David. Hein? Moi, c'était ma première, ma deuxième rencontre avec Marie Melon seulement. Donc, je suis encore un peu troublée par tout ce qui se passe. Oui. On peut compter les rencontres avec elle sur les doigts d'une minuscule main attachée à ses seins. Ah, riez pas d'elle pour ça, c'est pas de non, sa Non, riez pas d'elle, non, mais c'est charmant. Ouais, elle a son charme, même si c'est un petit peu, trop libidineuse. Hein. Un peu bizarre, mais on l'apprécie comme ça. Et si les gens ne suivent pas à la maison les aventures de Marie Melon, retournez écouter l'émission d'il y a deux semaines, c'est bien ça, je pense, il y a deux semaines? Ouais. Ou pas. Ou pas. Non, encore. Pas obligé. C'est ça. Donc, David Ferron, aujourd'hui dans ta chronique Brancher le Monde, on parle d'artistes français qui font la musique en anglais, qui chantent en anglais. Leurs instruments sont quand même français. Je sais pas. Ben, leur âme est française, mais en fait, c'est la suite de la chronique que j'avais faite il y a deux semaines. Exact. Pour ceux qui ont écouté, je vous avais présenté Skip to Use et également Easya, mais cette semaine, je vous présente la révélation de 2013, Wood Kid. Wood Kid. Oui. En 2013, il y aura le Harlem Shake. Non, s'il te plaît. Mais pour compenser cette horreur de danse, de je sais pas trop quoi, de mouvements de bassin assez ésotériques et bizarres, voici des bonbons pour vos oreilles Wood Kid. L'année passée, on parlait de Lana Del Rey comme quoi c'était la sensation web de 2011-2012. Ça marchait à fond son affaire. Et cette année, c'est Wood Kid. Hmm. Parce que sérieusement, il y a un gros buzz. Il y a même déjà 200 000 fans sur sa page Facebook. Puis son clip I Won, en fait, la chanson qu'on vient tout juste d'écouter, c'est I Won de Wood Kid. Eh bien, je pense qu'il y a à peu près 20 millions de vues là, sur son clip. Mais c'est un très beau clip avec une espèce, avec des espèces de soldats en fond noir et blanc. C'est très esthétique, c'est très léché. Tout comme le reste de l'univers de Wood Kid. Mm-hmm. Qui est en fait Wood Kid, qui est en fait de son vrai nom, Johan Lemoine. Donc, c'est pas son vrai nom? Ben non, okay. Wood, c'est Wood, nom de famille Kid. Ben ça aurait pu être genre Jérôme Bois-Enfant, quelque chose comme ça. Ouais, Wood Kid. Pourquoi? Ouais, pourquoi pas, mais c'est Johan Lemoine qui est en fait un Français. Et lui, avant de s'illustrer avec son album The Golden Age, qui vient toujours de sortir et qui est disponible sur iTunes, je sais pas s'ils l'ont encore physique, je pense qu'il va sortir plus tard, mais... Personne ne va l'acheter physiquement de toute façon. C'est sur iTunes. Tout le monde sur iTunes. Mais c'est vraiment bon parce que l'univers que vous avez écouté, c'est dans l'album. Le reste de l'album, c'est vraiment fidèle à ce qui est représenté par I Won. Pour ceux qui veulent suivre, là, c'est ce qui jouait avant l'intro qu'on entend en ce moment. C'est plus Wood Kid. Il y en a qui ont de la misère avec les différenciations avec les intros et les chansons. Je dis ça parce que c'est d'expérience. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé. Mais c'est pas ça. Non, ça, ce qu'on entend, c'est autre chose que j'expliquerai plus tard. Ta chanson au thème, bagarre. Oui, exactement. Et Wood Kid, en fait, avant de faire son album The Golden Age, mais c'est pas inspiré de The Golden Age de Marilyn Manson. C'est complètement autre chose. OK, OK. C'est pas non plus basé sur les maisons de l'âge d'or. Non plus. Non, c'est pas commandité par les maisons soleil. C'est ça, le Golden Age de l'âge d'or. Oui, j'avais compris. Soleil. Non, il y a pas cette chanson-là dans The Golden Age. Soleil. Ou la dame en bleu, genre Michel Louvain. Non. Et non, il y a pas cette chanson-là, je suis désolé. Ni même un cover de Donald Trek, pour ceux qui s'en entendaient. Ben. Non, il y a pas Fernand Gignac, Normal Amour, rien de ça. Non, mais il y a de la pure créativité. Oh, c'est pas mal meilleur, ça. Ah oui, parce que tout ce que Wood Kid a fait, ça lui a pris d'abord au moins 5 ans à faire The Golden Age, parce qu'il a sorti un maxi il y a 2 ans, d'où on retrouve justement la chanson I Won. Mais pour entre le maxi I Won et son album complet The Golden Age, ça a pris 2 ans. Pourquoi d'un, il voulait prendre son temps pour être créatif et présenter quelque chose de potable sur scène et sur disque, présenter un univers qui est cohérent, qu'est-ce qui est par exemple sur disque, qu'est-ce qui est par exemple dans les clips et qu'est-ce qui est sur scène. Il voulait vraiment que ça soit quelque chose d'homogène parce que lui, il trouve que parfois, les artistes présentent quelque chose de complètement pas très cohérent entre l'univers des clips, l'univers public et l'univers de la scène. Donc lui, il voulait vraiment proposer quelque chose d'assez particulier parce que lui voulait avoir quelque chose de baroque, de gros, d'épique, donc on va entendre beaucoup de cuivre. Mais vu qu'il y a juste 5 musiciens, il ne pouvait pas avoir un gros orchestre, donc il y a un petit côté électronique qui fait autant qu'on entend des trucs du passé qu'on entend des trucs du futur à cause du côté numérique digital, mais il y a aussi des sons tribales à la Björk. Il y a aussi l'espèce de voix à la Chris Martin, un petit peu l'espèce de voix éraillée un peu qu'on a entendu. C'est lequel déjà, ce Chris Martin? Coldplay. Coldplay. Mais du bon Coldplay, du bon vieux temps. Oh, oui. Mm-hmm. À l'époque. Oui, il y a longtemps. Oui. Très, très longtemps. Précisément, il y a plusieurs années. C'était le Golden Age de Coldplay. D'accord. Donc, l'âge d'or de Coldplay. Ils sont rendus là pas mal, hein, je pense, hein, ils sont vieux. Oui, exactement. Et l'autre chanson qu'on va écouter, ça s'appelle One Boy One. On écoute celle-là, là? Exactement. Dans la chronique branchée de monde avec David Ferron, c'est dans les palmarès, c'est fou. Oui! Oui! Non, c'est juste ma voix qui est fuckée, c'est pas Marie Melon. C'était pas Marie Melon qui est des fois... Okay. Oh, non, non. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. C'était One by One de Woodkid, tiré de l'album The Golden Age. Comme vous avez vu, c'est vraiment très épique. Ça fait vraiment penser à un petit côté chevaleresque ou encore... Ben, tu me disais tantôt que c'était utilisé dans le jeu Assassin's Creed ou dans le plus récent I Want. La toune de I Want, je ne sais pas dans quelle version d'Assassin's Creed, mais ça doit être une des plus récentes parce que One est sorti en 2011. Parfait. Donc, si vous aimez ce genre de jeu-là et l'ambiance que ça crée, ben, c'est du Woodkid. Exactement. Et tout ça, made in France. Ouais. Et en fait, pour ajouter sur Woodkid, avant qu'il devienne Woodkid, Johan, de son vrai nom, a réalisé des clips pour Lana Del Rey et pour Drake, notamment. Mm-hmm. Et Born to Die, c'est une œuvre justement, de Woodkid. Et justement, quand Woodkid a fait le clip I Won, ben, Lana Del Rey l'a posté. Et c'est là que le buzz autour du clip I Won a commencé. Ça fait boule de neige. Exactement. Et lui, en fait, par rapport à l'expérience de Lana Del Rey, il en a tiré des leçons. Parce que Lana Del Rey, on sait, ça a été assez fulgurant. Ben oui. Et je dirais quasiment éphémère, non? Ben, là, c'est pas terminé, ça? Non, elle est en train de faire un deuxième album. Je savais pas ça. Oui, il est en train de faire un deuxième album. Et ce que Woodkid dit à propos de ça, c'est que lui, il a voulu prendre son temps parce qu'il a vu que c'était infernal. Parce qu'elle, elle a commencé très vite. Même à donner, elle s'est produite au Saturday Night Live. Et ça échec total. Elle faisait, je sais pas c'était quoi, mais c'était pas bon du tout ce qu'elle a fait. Ça crashait un peu. Peut-être qu'elle était pas faite pour le live non plus. Ouais. Peut-être une fille de studio. Ben, j'entendais selon l'historique ou la biographie que c'était une vedette créé de toutes pièces par des producteurs qui lui ont dit, bon ben, fais faire telle chirurgie, habille-toi d'une certaine façon, porte tel nom, et puis agis comme une fille de Mad Men, tu sais, genre un petit peu vieillot, rétro-vintage. Ben, c'est un peu comme Kesha. Kesha, avant qu'elle devienne Kesha, c'était une chanteuse folk. Oui, exactement. C'est comme Katy Perry qui était une chanteuse de Christian rock, genre, ou Christian music, il y a des années. Puis le monde qui dit, je fais juste une parenthèse, Kesha, le monde qui dit, ah, elle sait pas chanter, elle sait chanter. Ouais, elle sait chanter. Ça veut pas dire qu'elle sait chanter des chansons que je trouve bonnes. Oh ouais, mais dans le sens que là, elle est noyée par le autotunes, mais quand on entend ses chansons folk, ou même quand on chante Karmapolis de Radiohead ou encore Wildflowers, c'est ça, ben une chanson des Rolling Stones, ben quand même, on c'est bon. Sent qu'elle a un petit côté artiste, mais noyée dans l'autotunes et dans le côté commercial. Ouais. Mais Woodkid, c'est déjà assez connu dans la sphère musicale, dans la sphère en France, même si c'est pas une méga vedette comme Johnny Hallyday. Il a déjà un buzz autour de lui. Ça a même été, il y a même Iron qui a été repris dans une des télé-réalités en France. Ah, pour dire qu'il commence à être de plus en plus connu. Et son album qui est sorti récemment vaut vraiment la peine parce que, comme je l'ai dit, c'est la révélation 2013. Si vous passez à côté de ça, vous ratez votre année 2013. Bon. Je suis très clair. J'ai c'est pas... sévère, hein? C'est comme il y en a qui disent en 2012, si vous n'avez pas écouté Grimes, vous avez raté votre vie. Ben, en 2013, si vous n'écoutez pas Woodkid. Je trouve que ben, les gens survivent parfaitement à ça, mais. Moi, ça veut dire que j'ai déjà raté ma vie. Pas besoin de me casser la tête pour l'année 2013. Force-toi même pas. Loser, non, c'est vrai. Oh. Ben non. J'exagère devant ça, mais écoutez-le, ça vaut la peine. Puis on va écouter une chanson qui est beaucoup plus tranquille, qui n'est pas aussi représentative de l'album que One by One ou encore I One, mais qui va vraiment faire penser à du Coldplay. Et ça s'appelle Where I Live, qui est beaucoup plus tranquille. On écoute ça dans la chronique de David Ferron, branché le monde. Exactement. I've never seen the northern lights. I've never seen the snow. Never walked across the ice. I ignore the ocean's flow. Where I'm born is where I'll die. Where I live is where I cry. My children left on a cold night. My husband said it's how things go. I grab it, blinded by the light. Kids want a better place to grow. Where I'm born is where I'll die. At night I shiver when I try. That I never cheated, that I tried to be strong. No matter how wise I was, I feel wrong. To forget that I never followed that man that I adored, who promised me pretty things and gold. And I'm waiting for the sun. And I'm waiting for the sun. I will never be out of sight. I'll never feel the snow. I'll never reach the truth of lies. I'm just watching my flowers grow. Try to forget that I never cheated. strong. No matter how wise I was, I feel wrong. To forget I never followed that man that I adored. He promised me pretty scenes and gold. And I'm waiting for the sun. C'était Ouvert. Plus loin, je sais pas qui. Il n'y a pas de problème, moi, je me rappelle plus, mais ça finit bien. Là, je pense qu'il finit. Go! Oui, c'était Where I Live, The Woodkid, tiré de son album The Golden Age. C'était une pièce beaucoup plus tranquille que les deux autres qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire I Won et Run by One, qui était beaucoup plus tribal, beaucoup plus épique également. Ouais. Donc, si vous avez l'occasion, Woodkid, c'est vraiment la révélation de 2013. Manquez pas ça, ça va tout vous nettoyer des impuretés que vous avez vues depuis Harlem Shake. Depuis le Harlem Shake, hein, maudit Harlem Shake. Non, révélation 2013, c'est peut-être un petit peu tôt dans l'année pour dire ça, mais en effet, c'est très très bon. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bon ben, choix, Woodkid. Ben, tant mieux si t'aimais ça. J'ai déjà liké sur Facebook. Ah, ben, t'es rapide, toi. Mm-hmm. T'es rapide, wow. Sur la gâchette du like. Clac, clac, clac. Oh yeah. Clic, clic, clic, schlic. Schlic, schlac. Ouais, c'est beau. Fling, fling. Badaboum, badabing. Badaboum. Oui, exactement. Merci, David Ferron. Mais ça me fait plaisir. On se retrouve toutes les deux semaines ici dans les Palmarès assez fous avec la chronique Brancher le monde où on présente n'importe quoi sur des affaires de la musique du monde. Là. Oui, puis là, l'album de Rocky Traoré sort très bientôt, le nouvel album. Donc, je vais peut-être vous en parler. Merveilleux. Prochaine chronique le 4 avril. Sinon, on te retrouve les mercredis matin entre les deux fois que tu participes au Palmarès assez fous, ouais. À Assemblage requis. Exactement. C'est à 8h environ les mercredis matin. Prochaine chronique le 28 mars. Et puis, c'est la langue dans ton oreille, donc tu nous présentes des artistes francophones, ce coup-là. Exactement. Ben, en fait, Johan, de son vrai nom, de Woodkid, en fait, est un francophone parce qu'il est né en France et parle vraiment français. Mais s'il chantait en français, tu l'aurais mis dans la langue dans ton oreille. Chante oui. En anglais, puis tu mets dans Brancher le monde. Exactement. On se comprend sur les principes de chaque chronique. Ben oui. On aime ça, et puis on te retrouve avec ta panoplie de personnages, sœurs et frères et cousins-cousines. Ah non! J'ai un pas jour. Ah, Seigneur, ça finira plus. Ça va être inexplicable. J'ai déjà assez de Marie-Melon et de Gustave, donc... Dur à entretenir, hein, ces gens-là. Mais c'est pas grave, il y a vous deux qui me réconfortent dans mon cœur, donc j'aime vous voir. J'aime ça partager des moments gastronomiques avec vous. Oui, la grande gastronomie. Oreo Pop-Tarts. Tu sais, le combo parfait. Aïe, miam. En plus des Pop-Tarts aux fraises et des Oreo Double Stuff. Ah oui. Bravo, David. Ben, ça me fait plaisir, mais l'important, c'est de vous voir heureux. Je pense que tu allais dire l'important, c'est de participer. L'important, c'est que tu vas avoir beaucoup de choses à manger pendant les prochains jours. L'important, c'est de ne pas être malade et de continuer votre super émission qui s'appelle Palmarès, qui se termine à 18h. Oui, dans moins de 20 minutes. Et tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Si vous voulez. Merveilleux. Pour l'instant, on prend une pause. Yeah. Et on vient après avec Rouge Pompier et Elephant Stone. Restez là. Assez fou, les extrêmes, ça nous anime. C F O U 89-1. Toujours au Palmarès assez fou, édition du 18 au 24 mars 2013. Stéphanie Paradis. Petit Blanc. David Ferron. Allô. Allô. Steph, veux-tu m'aider à faire la section ailleurs dans les Palmarès? Oh! Avant de continuer avec les deuxièmes places, parce que pour les gens qui sont pas au courant, qui entendent des rumeurs par des gens plus ou moins bien informés. Je pense que c'est le chansonnier. Oui. Qui fait ses... Depuis ce midi. C'est soundcheck, là. Il dit, les Palmarès, c'est fou, c'est juste un top 1 francophone, pas un top 1 anglophone. Fait qu'en tout cas... C'est faux. Ouais. Alors, continue à chanter Sweet Home Alabama, puis laisse-nous faire les professionnels. Donc, oui, c'est plus que seulement le top 20 franco et le top 20 anglo, les Palmarès c'est fou, c'est aussi le top 30 des albums, le top 30 des tickets canadiens et le top 10 loud. Si on regarde le top 30 des albums, je vais faire les nouvelles entrées. En 28e, Wood Pigeon et Thumbtax and Glue. En 27e, The Best Nerd Lakes avec Until In Excess Imperceptible UFO. Les deux sont des vétérans des Palmarès, les deux groupes. J'espère qu'on va les revoir dans le top 20 bientôt. En 22e, on les a entendus en début d'émission. C'est, en fait, on l'a entendu David Bowie avec The Next Day. Et en 18e place, on trouve Hellotrons, qu'on a aussi entendu plus tôt avec At Least There's Commotion. Donc, top 3 du top 30 des albums. Et le top 3 des disques canadiens. Non. Top 3 des, top 3 du top 30 des albums. Le top 3. Ah, le top 3. En haut de la liste. Ah. Donc, en troisième position, c'est Bears of Legend avec Good Morning Lang, Motherland. En deuxième place, Elephant Stone avec l'album Elephant Stone. Et en première place, c'est Boy avec Mutual Friends. Ah, je vais pas te brusquer de même, excuse-moi. Je suis pas habituée de faire ça. On le fait rarement, ça arrive. D'habitude, il y a tellement de monde, on n'a jamais le temps de se rendre. C'est vrai. Mais d'habitude, on devrait le faire. T'sais, on va continuer comme ça. Top 3 des skis canadiens maintenant. En troisième place, ça monte de 2 de Dab Truth avec Deer in the Headlights. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Bears of Legend et Good Morning Motherland. Et en première, ça monte de 3, Elephant Stone avec leur album homonyme. Maintenant, dans le top 10 là où il n'y a pas de nouvelles entrées, est-ce que tu veux faire le top 3 ou je le fais moi-même? Ah, écoute, lance-toi, t'as une meilleure prononciation. Bah, arrête donc. En troisième, c'est Dark Throne avec The Underground Resistance. En deuxième, Running Christ. Running Christ, le Christ qui pourrit. Le Christ comme dans le Christ. Ça donne le goût. Oui. Avec l'album Kataton Daimona Itoy. Hein? Une chance que je sais pas donner ça. Oui, j'ai bien fait de me laisser... guider. Et en première, c'est stable, 9e semaine de présence. Et 9e semaine, je pense au numéro 1, ça n'arrête pas d'être number 1. C'est Voivode avec Target Earth. Voilà. Kataton Daimona Itoy. Super. Voilà pour le top des le top 10 loud, top 30 des disques canadiens, top 30 des albums. On retourne aux deux top 20. On est rendu aux deuxième place. En anglophone, c'est Elephant Stone avec Setting Sun qui monte de deux places. Et du côté francophone, c'est Anne Dorval de Rouge Pompier. On écoute ça au palmarès, c'est fou. Là où la qualité fait place à la qualité. À la qualité. En pour tout cas, on écoute de la musique. Ouais, c'est ça. Bah ouais. J'essaie de trouver un beau slogan. Tu es un petit peu de. Tu trouves que David avait une meilleure idée que toi. T'sais. Là où la qualité cède sa place à la qualité. C'est bien, c'est parfait. T'sais. Ça veut autant dire quelque chose que. Fait de la qualité. Point d'exclamation. Ponctuation. Oui, Anne Dorval, right now. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai que le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé achetée dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de venir. Ça cause Anne Dorval que j'ai vu Ella Finstone et la pièce Setting Sun, lancée numéro 4, maintenant en deuxième place anglophone. Mais tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Anne Dorval de Rouge Pompier qui est montée de 5 places. Eh bien voilà, beau travail, beau travail. Ça va bientôt partir, c'est par contre Anne Dorval, parce qu'on a eu une deuxième pièce. Vous l'avez entendu en début de l'émission, Château de Sable est une nouvelle entrée en 18e. Ben oui, deux fois Rouge Pompier. C'est mais rare. La toune Anne Dorval, hein? Elle fait du yo-yo aussi. Hein? Elle avait descendu, était vraiment sur le bord de sortir, puis là, tabarouette, une petite poussée d'adrénaline, puis ça remonte au sommet. Ben Anne Dorval, une vraie joueuse de yo-yo professionnelle dans la vraie vie, non, je sais pas. Oui, elle fait le petit chien puis tout. Non, là, c'est les bobos. Ah, bobo, yo-yo, c'est proche. C'est proche. Facile de se tromper. Erreur facile ben oui. à faire. Hein? Tu volé ta joke ou non? Ma joke? T'as pas de joke? Pas là-dessus, non? Non okay. Franchement, j'ai plus de respect pour moi-même que ça. Ah ben, Colin. Ah ben là, je le prends pas. Ah ben là. Ah ben là. Ah ben, hey, c'est comme on dit. Ah ben, aucun respect. Aucun respect du tout. Non, mais c'est comme... On dirait qu'il faudrait que j'essaie d'y sortir un petit peu de respect. Étant donné que là, on est rendu au numéro 1, c'est le moment où on fait les jeux de mots poche des numéros 1, tu sais. Tu sais, si je pouvais t'extraire un peu de gentillesse envers moi et de compassion envers mes mauvais jeux de mots, ce serait donc le fun. Je pourrais comme faire de l'extorsion de sentiments de la part de Stéphanie. Ben oui. Comme ça, je pourrais peut-être partager la rumeur ou même le fait en ligne sur Internet. Je pourrais partager en ligne, est-ce qu'on prend au linéa? Online, Léa? Ah, j'avoue que mon jeu de mots n'était pas parfait. J'étais un petit peu distrait. Hein? Des fois, des distractions dans la vie, comme, mettons, David Ferron qui fait des faces drôles. Tu lui demandes, tu fais des faces drôles, c'est drôle. Hey, oh, OK. Il a encore défait son micro. David, là, quand il se dandine trop sur sa chaise, il fait tomber son micro. Puis, il l'a arraché. Il l'a arraché. Mais il enlève même pas ses écouteurs pour aller arracher son micro. Fait que là, il est comme pogné après son fil des écouteurs. Il y a de la misère. Okay. Je pense que c'est pas Marie-Melon qui essaie d'accrocher le micro. Non, Marie-Melon avec ses mains attache après ses seins. Pauvre petit garçon. Pauvre petit... Oh, ben oui, bravo. Merci. Pauvre petit garçon qu'on pourrait lui téléphoner en nom à ce petit garçon-là qui pourrait peut-être te donner de l'aide. Il y aurait un petit numéro de téléphone, ce petit garçon, les Little Numbers de Boy, tu comprends? Ben oui. C'est ça. Donc, je sais pas si on le connaît tous les deux, c'est un ami mutuel, Mutual Friends. Ouais. Hein? Non, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va... Tout le monde, donc, c'est ça, tout le monde? Oui, c'est ça. Donc, du côté anglophone, le numéro 1, c'est Little Numbers de Boy. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre ta plus belle extorsion d'Olinéa, qui est encore en première position. David, t'as réussi à arranger ton micro? Mais c'est pas grave parce que heureusement, je vais essayer de faire. Mais de façon, ma plus belle extorsion, là, c'est d'avoir réussi à raccrocher le micro sans que vous le sachiez. Ça, c'est pas tellement un jeu de mots plus qu'une histoire basée autour du titre. Mais ouais. Bon, comme tu veux. Comme tu veux. Non, je te le donne un point. Tu me donnes un petit numéro de points. Oui, prends un numéro pour avoir un compliment. Merci. Ton visage nature par-dessus ta connaissance. Ton innocence, ton et en première position. Chaque côté. On va faire un petit récapitulatif avant de terminer. Donc, en troisième place anglophone, c'était l'ancien numéro 1, Bears of Legend, Let Me Be. En deuxième, Elephant Stone et Selling Sun. Et en première, on vient d'entendre Boy qui monte de 5 avec Little Numbers. Et du côté francophone, en troisième place, c'était Beetle ou T-Bird de Mauve. En deuxième place, Anne Dorval avec De Rouge Pompier. Je me sens encore trompée. J'ai versé à Anne Dorval et Rouge Pompier. Et en première place, c'était Ta plus belle extorsion d'Olinéa. Mais c'était un très beau palmarès. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Restez à l'écoute, 13e étage. Ça revient à 19h avec de l'électronique électro-jazz éclectique. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, c'est Sky Punka avec du punk rock. Et les lundis, finalement, entre 14 et 17. Après nous, c'est Maxime Tanguay et Jean-René Boutin avec Entre deux périodes. On remercie David Ferron, bien sûr. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci encore une fois de m'avoir accueilli. Mais mon Dieu, si t'amènes tout le temps de la bouffe demain, viens quand tu veux. Ouais, mais là, tu commences à parler de caviar dans tes émissions du matin. Là, pas sûr, on va en glisser quelques-uns. Merci à Marie Melon aussi. Non. Non, OK. Elle est partie. Ouais, elle est partie. Qu'elle dégage. Ça va faire le niaisage. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée en début d'émission sur la plupart de nos stations. Vous entendrez la formation Les Sœurs Boulées.